sortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait danser comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulaient. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, c'est comme la première fois, surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco, pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec l'enclos, si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo. Vous êtes sur le 107FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 500 personnes ont vu la publication pour cette émission. Merci à vous. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, la Belgique, bonjour la Suisse, bonjour la technique, bonjour Marc. Bonjour Gilles. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Voilà, ça va bien, merci. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Nous sommes le jeudi 21 juin et aujourd'hui c'est la fête de la musique. Voilà. Donc je fais un petit coucou à mon ami Bruno Pinchot qui sera, pour ceux qui connaissent, donc à Remiremont dans la rue Charles de Gaulle, devant le magasin Le 21e Sens, il sera là, Bruno, pour nous chanter des reprises de chansons des années 60, 70, 80. Et puis, bien sûr, à partir de 17h, deuxième match de l'équipe de France à suivre. Mais restez en notre compagnie. Alors, quant à moi, je commence à faire de la musique avec mon invité de cette semaine, Frédéric Such, qui va nous présenter son album Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, un hommage à Claude François. Alors avant de rejoindre Frédéric, un petit coucou aux fidèles des années bonheur, un bisou à ma collègue et animatrice Mado, à mon amie agente Lynn, à Denis, Anaïs, Fabien, Alex et Thierry pour nos futures collaborations. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio et sur notre page Gilles Mougel officielle. Je transmettrai en direct à l'antenne pour notre invité. Je voulais aussi dire merci à tous les membres fondateurs du groupe Génération Claude François, donc il est sur une page de Facebook. Et particulièrement merci à Patricia Das pour m'avoir permis de partager la publication de cette semaine. Je retrouve maintenant mon invité, donc Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Comment ça va? Eh bien ça va bien, oui, très bien, très bien. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc du soleil, tu nous rappelles, tu es de quelle région Frédéric? De Fréjus. Ah bah il fait toujours beau là-bas, non? Oui, il n'y a pas ça. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Alors nous ici, dans les Vosges, ça va, on a le soleil. Ouais. Il y a un petit peu de vent, mais bon, ça fait du bien, ça rafraîchit, fait du bien, oui. Ça rafraîchit un petit peu. Ça fait. Voilà, voilà. Donc je disais la fête de la musique aujourd'hui, hein, bien sûr. Oui. Hein, voilà, et puis je voulais aussi donc te remercier d'être sur nos ondes et d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Ben, c'est moi qui te remercie. Ben, c'est avec plaisir. Plaisir. Et puis merci à Mireille aussi, bien sûr, notre amie commune. Oui, tout à fait. Hein, qui nous a mis en relation. Oui. Voilà, donc on est parti pour un instant, 1h30 avec on va parler bien sûr de ta carrière Frédéric et puis bien sûr de Clo-Clo. Oui, très bien. Hein, c'est voilà. Oui. Donc je sais pas si tu as entendu le générique du départ. J'ai j'ai entendu un tout petit peu, oui. Donc, ça parlait aussi un petit peu de Clo-Clo, d'Alexandrie, d'Alexandra. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai entendu. Tu t'as entendu, voilà. Bon, je dis, tiens, ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Alors, Frédéric, donc, comment est venue donc cette idée là de faire cet album sur Claude François? Alors, un hommage, hein, bien sûr, oui, sur Clo-Clo. Oui, voilà, un hommage parce que c'est pas des reprises, hein, c'est des chansons originales. Non, voilà, c'est tout à fait, oui. Voilà, paroles et musique avec mon ami Jean-Luc Vory. Voilà, c'est très important, voilà, qui est à la base des maquettes. En fait, il faut savoir que je vais régulièrement sur Facebook, je chante pas mal de reprises de Claude François. Oui. Et j'ai rencontré Jean-Luc Vory par rapport à ça. C'est-à-dire que lui, il compose énormément de chansons, il est auteur-compositeur, interprète. Oui. Et de fil en aiguille, bon, on s'est mis en contact par hasard et il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, mais il m'a dit c'est dommage que tu ne chantes pas tes propres chansons à toi. Et puis il me dit voilà, moi j'ai une chanson, Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, c'est une maquette, si ça t'intéresse, tu peux la chanter. D'accord. Pas de problème. Donc on est parti de là. Et du coup, on en a fait une quinzaine. Enfin, il en a fait une quinzaine. Oui. On en a sélectionné une dizaine. Bon, je les ai fait un peu à ma façon. Moi, je les ai adaptés à mon style, on va dire. Oui. Et on a fait, donc à deux, on a fait cet album de 10 chansons qui parlent donc de Claude François, de Claude François. De l'amour, son père, en son cours. Père, oui, bien sûr. Oui. Voilà, de très belles chansons. Mm. Voilà, c'est venu comme ça. D'accord. Mais toi, tu composes aussi, Frédéric? Oui, je compose un petit peu. Oui. Tu composes un petit peu, tu écris aussi un petit peu? Un petit peu aussi. Aussi, oui. D'accord. Voilà. Oui. Mm-hmm. J'ai rien sorti de particulier. J'ai rien sorti, moi. C'est juste. D'accord. C'est vraiment un tout premier essai, son premier album. Premier, voilà. Donc, tous les deux, avec donc Jean-Luc Vory. Que l'on salue, hein. Je ne sais pas s'il serait à l'écoute, mais bon, oui, on peut le saluer. Alors bon, j'ai écouté cet album, hein, c'est les fichiers que tu m'as envoyés, et moi j'aime bien cette façon-là, enfin sur ces chansons-là, de mettre des mots. Alors bien sûr que vous avez écrit, et en prenant aussi bien sûr des titres, oui, hein, oui. Des titres des chansons de Claude François, quoi, en fait. Oui, voilà. Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, par exemple, c'est oui. Pas de bêtises, à une près, d'en avoir 18, je crois, à peu près, de titres de chansons. De titres, oui. Le texte a été fait en majorité avec des titres de chansons, mais c'était voulu, hein. C'était... Oui, bien sûr, oui. Mais tu sais, moi, j'avais voulu essayer de calculer sur toutes les chansons, mais bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Après, c'est ça, je compte plus. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est original. Oui. Hein, oui, c'est original, c'est vrai que c'est... Ouais. Voilà. Alors... Je te propose, Frédéric, donc on est 1h30 ensemble. Hein. Oui. On va profiter pour écouter le maximum de chansons de cet album. Oui, donc on va commencer par le titre, le titre phare. Mais il y a un autre titre aussi qui s'appelle Devant le phare, hein, qu'on écoutera tout à l'heure. Oui, donc on va commencer par le titre, je dirais, éponyme peut-être de l'album Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra. On en parle après. Merci. Comme d'habitude, sonneront quand tu seras là. Prince d'Alexandrie, roi d'Alexandra. Mais en attendant que tu sois ici, le jardin dans nos cœurs est déjà fleuri. Tu retrouveras les choses de la maison au bout d'une allée qui porte ton nom. Tu relèveras ton col, il ne fera plus froid. À lundi, le soleil te réchauffera. Prince d'Alexandrie, roi d'Alexandra. Première chanson voilà, de l'album. Voilà Frédéric, c'est bien agréable à écouter ça. Allô ? On s'en lasse pas. Ah oui, pardon. Oui. On s'en lasse pas. Ah non, non, pas du tout. Non, non. Mais, et puis bon, voilà. Alors, je te pose pas la question, mais je suppose que tu es un grand fan de Clo-Clo. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Moi, oui. Ouais, je l'ai connu, oui, j'avais 16 ans. Près. D'accord, ouais. Ça date un peu. Oui, oui. Ça date un peu. C'était l'époque des. Je sais pas si tu as connu les remixes, les mégamix. Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. À peu près. Ouais. Voilà, bah, à partir de cette période-là, après on achète un CD, deux, trois, puis après on en achète un, et puis après. Oui, bien sûr, puis après on les est... connaît presque toutes. Et... On est imprégné, après, par... c'est vrai. C'était de belles chansons, hein, et puis qui sont toujours actuelles, hein, comme on dit toujours. Bon, bien sûr, plus les chansons un peu, plus le disco, Alexandrie, Alexandra, Je vais à Rio, enfin tout ça, toutes ces chansons-là qui passent toujours dans les boîtes, enfin dans les fêtes de famille, dans différentes... voilà, hein, c'est toujours actuel, ces chansons-là, ça marche toujours bien. Hein. Ah oui, tout à fait. Ben c'est vrai, mais bon, je reviens à dire, c'est bien cette idée d'avoir fait ça, d'avoir fait ça sous cette forme-là, quoi. Je veux dire, avoir tes chansons avec voilà, avec ces fameux titres de Clo-Clo, c'est bien. Ouais, oui, tout à fait. Après, à la base, si tu veux, moi, j'aurais aimé que quelqu'un le fasse à ma place, et je me suis dit bon ben. Il y a des reprises, il y a bon, M. Pokora qui a fait un album, etc. Voilà, bien sûr. C'est bien, mais quelque chose de plus personnel, vraiment, quelque chose de plus un peu plus recherché, que les fans seraient peut-être un peu plus sensibles. J'ai pas, avec mon ami Jean-Luc, on n'a pas trouvé notre bonheur, donc du coup, on s'est dit, bon, c'est une pierre de coup, 40 ans cette année, et ben on va faire ce qui n'a pas été fait, et puis on va... Ah oui, bah c'était... faire plaisir à un maximum de fans, j'espère, en tout cas. En tout cas, nous, ça nous a bien fait plaisir. Bien sûr, et puis moi, j'ai partagé, enfin donc la publication, tu sais, dans le groupe Claude François. Oui. Hein, j'avais demandé l'autorisation aux membres fondateurs, voilà que j'ai remercié tout à l'heure. C'est vrai que voilà, c'est sympa, quoi. Je veux dire, bon, il y a une belle équipe aussi là dans ce groupe. Ah, oui. C'est vrai, voilà. Alors, Frédéric, la tessiture de voix. Là, je pense que en t'écoutant, tu ne forces pas du tout, c'est ta voix, quoi. Oui. Ah, c'est... Puis, oui, oui. Mais, même bah, légèrement, quand on parle, je trouve qu'il y a des petites intonations. Ah, oui, bon, peut-être. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire non, mais... Oui, je sais pas. Hein, je m'entends pas de la même façon que qu'on m'entend. On te l'a jamais dit, je sais pas, on te l'a jamais dit, non si, on me le dit tout le temps, en permanence. Oui. Tout le temps. Oui, bien sûr. Oui, même parlant, je veux dire, il y a des petites intonations quand même légères. Et puis, bon, bien sûr, quand tu chantes, voilà. Donc, ça, c'est ta tessiture de voix, c'est bien. Oui, oui. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, quand je chantais mes reprises, ah bah tiens, t'aurais dû faire comme ça. Tiens, que François aurait fait plutôt comme ça. Tu pourrais faire un peu plus. J'ai dit, mais en faire un peu plus, ce sera plus moi. Donc, j'ai dit, voilà. C'est un moment où c'est stop, je ne sais pas plus loin, je peux faire mieux, je peux faire plus, je peux faire limiter, faire le sosie, même s'il faut. Bien sûr. Vocal, mais c'est pas ce que je recherche, non. Ouais, voilà. D'accord. Non, c'est bien de rester naturel, de rester soi-même, et voilà quoi, je pense, hein, d'avoir ton identité, voilà, à toi. Voilà. Et, voilà tu parlais de sosie, là, donc je rebondis un petit peu. Bon, j'ai eu l'occasion de voir un sosie, je dirais pas sosie, moi, parce que, je sais pas, est-ce que tu connais Bastien Rémy ? Oui. Oui, hein ? Oui. Donc j'ai eu l'occasion de le voir, c'était en début d'année, je sais plus trop, ça passe tellement vite. Et je veux dire, bon voilà, bon, je pars de lui un tout petit peu comme ça, parce que, mais c'est vrai, c'est vraiment bluffant ce qu'il fait. Ah oui, tout à fait. Alors, je veux dire, quand il est dans le costume de Clo-Clo, je veux dire, après, c'est vraiment bluffant, quoi. Oui. Je voulais en reparler parce que ça m'avait vraiment, je veux dire, on ferme les yeux, puis on a l'impression de retourner dans les années 70, quoi. Ah oui, tout à fait. Ah, oui. Ah, il est vraiment bon, c'est pour ça que je dirais... Je parlerai pas de sosie, enfin bon, forcément. Mais alors lui, c'est vraiment, je veux dire, pareil, la voix, ben, tous les costumes, les Claudettes, tout ce qui va avec, c'est vraiment, il fait un show là, c'est pas mal quoi. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors bon, je sais qu'il y a des je sais qu'il y a quelqu'un qui va rire, mais il y a des inconditionnels de Claude François qui ne supportent pas les sosies de Claude François. Bon, ce que je veux bien comprendre. Mais oui, bon. Voilà, ça dépend du niveau de... Voilà, ça dépend du niveau, voilà. Parce qu'il y en a plein. On va parler aussi des sosies de Johnny, il y en a plein, enfin bref. Voilà. Mais je veux dire, d'une qualité comme ça, je pense que on peut faire l'effort, même si on est ultra fan de Claude François, et que je pense qu'on peut quand même faire l'effort de regarder et puis d'écouter, et ça nous transporte quand même dans l'univers quoi, de Claude François. Ah oui, quoi. Hein, c'est vrai que voilà. Voilà, bon, je voulais faire cette petite parenthèse. Ah, mais je le répète, sinon. Je pense aussi. Ah, bah tu vois, d'accord. J'en connais pas beaucoup, j'en connais quelques-uns, mais celui qui ressort le plus pour moi, oui, Bastien. Il y en a deux, voilà, dans les deux premiers. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que même celui de. Enfin, j'ai eu l'occasion de visiter le moulin de Danemois, donc le moulin de Clo-Clo. Et je veux dire, bon, là-bas, il y a aussi un sosie de Claude François. Oui, oui. Mais je trouve que Bastien, enfin je l'ai pas vu en fait, hein. Bon, je veux pas non plus faire de, je l'ai pas vu chanter ni sur scène ni quoi, mais en ayant vu quelques photos tout ça, mais je trouve que Bastien est au-dessus, enfin bon, c'est mon avis à moi, hein. Oui. Ça n'engage que moi et j'assume. Voilà, alors Frédéric, on s'écoute une autre chanson ? Avec plaisir. Voilà, alors j'ai choisi, hein, j'ai pas pris dans l'ordre du CD, hein. J'aime bien un petit peu des fois, voilà, j'écoute, hein, tout ça quand... Alors voilà, on va essayer d'écouter un maximum de chansons sur cette heure 30. Oui. Et là, on écoute sur le boulevard d'Exelmans. Très bien. J'ai une idée en tête quand j'ai quitté la maison. Sur le boulevard d'Exelmans, je rêvais d'une chanson. Une jolie mélodie où les filles sont belles, belles, belles. Qui sera peut-être un jour un succès intemporel. Je savais qu'un beau jour, on m'appellerait Clo-Clo. Quand je repense à mon père, je le sais fier de là-haut. À jamais dans mon cœur, à jamais dans ma mémoire. Il fait partie de ma légende, il fait partie de mon histoire. Je rêvais d'un moulin, annonçant des jours nouveaux. Une ferme du bonheur, un grand havre de repos. J'en ai vraiment beaucoup, il sera toujours petit. Et après le moulin, je ne compte pas m'arrêter là. Je produirai des talents, les idées ne s'arrêtent pas. Une agence de mannequins, je suis prêt à tous les risques. Et du haut de mon podium, je créerai ma maison de disques. J'ai aussi un grand rêve, celui d'un tube à succès. Chanté par la terre entière, courant à l'éternité. Au bord de ma piscine, je trouverai les mots qu'il faut. Deux, trois notes sur un piano. sur le boulevard Exelmans. Belle mélodie, c'est rythmé. C'est bien aujourd'hui pour la fête de la musique. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien pour avoir. Donc voilà, ces belles chansons, Frédéric. Merci. Mais de rien. Alors, je veux dire, avant ça, est-ce que tu chantais, je veux dire, avant de faire des chansons donc, sur Claude François, est-ce que tu chantais? Est-ce que tu avais fait autre chose? J'ai fait quelques. Bah, je composais un petit peu, donc oui, j'ai fait quelques compos, oui, mais bon, oui. Rien de. Bah, après, j'ai tout sur YouTube. Oui. En fait, j'ai une chaîne sur YouTube, faut taper Frédéric Chante Clo-Clo & Co. Et il y a 160 vidéos, je crois, à peu près. Les toutes premières vidéos, en fait, c'est des compositions que j'avais faites. Mais toujours sur Claude François. Non, autre. Non, c'était d'accord. Les miennes, perso. D'accord. Voilà, mélangé avec des reprises de Claude François. Tout début, c'était ça. D'accord. Alors, je vous avais mis combien de temps pour la préparation de cet album avec Jean-Luc? Alors, au total, il y a à peu près 6 mois pour tout faire. Oui. Un peu plus. Sinon, bon, après, c'est assez rapide parce que Jean-Luc, je vais lui envoyer encore des fleurs, mais bon. Non, mais il n'y a pas de problème. Très talentueux et très rapide. Et il peut faire des choses que moi, je vais mettre 6 mois pour faire écrire un texte. Lui, il va l'écrire en un quart d'heure. Ouais, d'accord. Et la musique, pareil. Donc, ça s'est fait assez rapidement. On est parti de la chanson de Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra. Et puis, tous les jours, je lui donnais un thème. Et puis, le soir même, j'avais la chanson. Donc, après, il fallait faire des modifications. Mais, oui, bien sûr. C'est assez rapide quand même, oui. D'accord. Et cet album est sorti donc, parce que moi je t'ai découvert à travers Mireille, mais cet album est sorti quand exactement? Au mois d'avril, oui, bien sûr, bah oui, en fait, suis-je bête? Parce que, bien sûr, c'était pour les 40 ans de Claude François. Oui. Et tu sais, des fois, on a pas mal de choses, comment je dirais, en tête, enfin, de pas mal d'artistes, alors tu sais, on jongle entre les dossiers, tout ça, puis... Oui, bien sûr. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est... Et donc, je dirais, est-ce que la famille, les ayants droit, enfin, de Claude François, je dirais, est-ce qu'ils ont entendu cet album, ou est-ce que tu as dû, enfin, je ne pense pas, mais est-ce que tu as dû, enfin, pas demander l'autorisation, mais... Non. Un petit peu, oui, quand même. Si, j'ai contacté Flesh, ouais, d'accord. Reprise, donc j'ai l'accord donc, pour une photo libre de droit. Voilà, que je n'ai pas utilisé, j'en ai utilisé du coup une autre, bon, libre de droit, mais bon. Et j'avais demandé aussi leur accord, oui, leur avis. Je leur envoyais des textes, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis particuliers. Il n'y avait pas de soucis, oui. Voilà, après j'ai pas eu de nouvelles depuis, j'essaie d'un petit peu de les relancer. Mais... Ouais. Voilà. Ils ne t'ont pas donné leur avis un petit peu, voir ce que... Non, j'aurais bien aimé justement. Je bien sûr, oui, c'est pour ça, ouais. Bon. D'accord, voilà. Ouais. Alors Frédéric, tu sais que bon, bien sûr, bah, j'avais mis tout ça sur Facebook. Alors j'ai des petits messages là que je vais te livrer. Alors là, c'est de mon amie Mado qui est animatrice sur Radio Plus Haleine, hein, dans l'Oise. Elle me fait coucou Tigilou, j'écoute du cloco que du bonheur. Mon idole de toujours. Bonne émission, bisous à vous deux. Voilà. Ça, c'est un petit message de Mado. Et j'ai un petit coucou de Mireille. Oui. Donc, Mireille, elle m'a chargé de te dire à l'antenne, voilà. Alors, donc, je cite Mireille, hein, d'accord. Alors, bonjour Fred... Pardon? Non, vas-y. Ok. Bonjour Frédéric, heureuse de t'entendre à l'antenne de Gilles. Je voudrais simplement te dire un grand merci de faire revivre Clo-Clo à travers ta jolie voix. Un coucou et merci aussi pour les paroles à Jean-Luc Vaury, qui a aussi sa part de talent. Deux artistes sont rencontrés et ont donné naissance à un CD super génial et original. Bonne continuation à toi, bisous Mireille. Voilà. Ah, c'est très gentil. Voilà ce que... C'est moi qui la remercie parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup pour moi. Elle me devance souvent dans les parutions aussi. Oui. c'est très particulier. Non, c'est très très très bien. Ah bah c'est bien, oui. Très, très, très active et je la remercie beaucoup pour ça. Bien sûr. Voilà. Autrement, donc, oui, on en avait parlé. J'en ai parlé. Bon, des droits, voilà. Et cette émission qu'on fait, Frédéric, là, actuellement, c'est une première émission pour toi ou tu as eu d'autres émissions? J'ai eu j'en ai eu un premier il y a quelques temps. C'était sur Radio Mosaïque à Fréjus. J'ai été interviewé. Oui. Voilà, pendant 5 petites minutes, on a passé 2 chansons. D'accord. Et, une heure et demie, autant de temps, oui, c'est la première fois. D'accord. Bah oui, bah, je pense que c'était quand même intéressant de connaître ton univers, hein, et puis. De passer ces belles chansons là quoi. Moi je veux dire je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'auditrices qui vont apprécier, et puis toutes les personnes qui nous suivent sur le Facebook, hein, bien sûr, hein, par exemple, tout le groupe donc Génération Claude François aussi, j'espère qu'il y en a qui sont à l'écoute. ça fait plaisir. Autrement, Frédéric, est-ce que tu fais de la... Bon, tu as fait cet album-là. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir de la scène, quelque chose? Alors, il est prévu... je suis en train de monter un petit orchestre tout doucement. Oui. Pour éventuellement jouer des chansons sur scène. Oui. Après, ça dépend de l'accueil. Si l'accueil est favorable... un deuxième album peut-être sur le même principe ne serait pas exclu. Oui. Sachant que celui-là c'est un tout premier à tous les niveaux, hein, niveau studio d'enregistrement, c'était ma première fois. D'accord. À tous les niveaux d'ailleurs. Donc s'il y a un deuxième album, il sera un petit peu plus peut-être un peu plus recherché, un peu plus vocalement, peut-être mieux aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on a un peu le trac au début. Bien sûr, bah oui, je comprends bien. Il y a des chansons où je sens que j'ai le trac, vous ne s'entendra peut-être pas, mais moi ça s'entend. Moi je sais que sur certaines chansons j'étais pas bien. Oui, tu sais à quel moment où ça. Oui, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Donc peut-être un deuxième, éventuellement, ça dépendra des fans. Si c'est d'accord. Alors, cet album, on peut le dire, Frédéric, on peut se le procurer de quelle manière? Alors, sur Facebook directement. Oui. Donc, en tapant Frédéric Such, hein, tout simplement, S-U-C-H. Donc, il y a deux profils. Il faut prendre le profil où il y a la photo de Claude François et la photo de l'album, en fait. Oui. Et après, m'envoyer un message privé, tout simplement. Et, D'accord. Et voilà. Puis, donc, tu renvoies, voilà, le. Voilà. L'album. Après, on peut le retrouver aussi sur Amazon Music, etc., hein, sur les plateformes de téléchargement. Si, de téléchargement. D'accord. Exactement. Ok, alors, et si on allait retrouver Belinda? Voilà, on écoute cette troisième chanson, j'ai retrouvé Belinda. Plein gala que j'ai revu Belinda, là soudain sans prévenir, si douce à mon souvenir. Intimidé, mais un seul de ses sourires, c'était déjà du plaisir. Salut. J'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. J'ai retrouvé Belinda, elle était là devant moi. J'ai reconnu à ses yeux, ils sont toujours aussi bleus. Quand j'ai chanté sa chanson, en entendant son prénom, aussitôt elle a souri, elle est toujours aussi jolie. J'ai retrouvé Belinda. Voilà, j'ai retrouvé Belinda de Frédéric Souche qui est sur nos ondes cet après-midi sur Radio Gamozo. Je vais y arriver. Dans les années bonheur. Voilà Frédéric, on vient d'écouter, j'ai retrouvé Belinda. Oui. Voilà, c'est une belle chanson. Enfin, c'est, voilà, Belinda. Hein. Alors, tu es devenu fan donc en écoutant les chansons de Claude François, comme tu disais tout à l'heure, en achetant les CD, etc. Et voilà. Oui, DVD, CD. Oui. DVD, CD, tout ça, voilà. Et tu es fan autrement, alors je veux dire, comment je dirais ça aussi collector, enfin d'objets, des choses comme ça, ou ça s'arrête uniquement sur la musique, enfin sur ses chansons. Oui, non, pas trop collection, non. Pas trop collectionneur. Non. Ouais, pas trop collectionneur. Non, non, non. D'accord. Non. J'ai, pour dire, chez moi, j'ai pas une photo. C'est pas bien, hein, je vais gronder, mais j'ai pas une seule photo de Claude François. J'en avais, hein, il y a un petit moment. Bon, après, petit à petit, on met la photo des enfants après à la place. Mais à une époque, oui, j'avais pas mal de photos, etc. Non, là, j'ai plus grand-chose. Non. D'accord. T'as pas un poster de Claude François à la maison, c'est pas bien, ça. J'en ai plein, mais ils sont pas accrochés. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a plein de choses, mais on n'a pas souvent la place. Aussi. Pour tout mettre, hein, c'est vrai ? Ça, oui. Moi, je suis fan collector aussi, c'est vrai que j'ai... Puis bon, il y a plusieurs artistes aussi, forcément, donc... Enfin, voilà, des années 70, hein... voilà mes années d'ado. Donc voilà, je veux dire, c'est vrai que ouais, il faut de la place. Oui, tout à fait. Ouais. Alors je voilà, oui. Est-ce que tu as dû voir bien sûr le biopic, enfin le film qui avait été fait par un réalisateur de la région Lorraine d'ailleurs, si je me trompe pas, sur Claude François. Oui, oui. Claude ouais. Hein, tu l'as vu ça aussi, hein, bien sûr, ouais. Ouais. Cinéma, oui, bien sûr. Ouais, c'est quel a été ton avis sur ce film là? Est-ce que ça, pour toi, ça résumait bien la vie de Claude François? Oui, moi j'étais bon. Après, c'est sûr qu'on montre pas mal de, on montre plutôt les défauts plutôt que les qualités dans le film. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Je te rejoins là-dessus, tout à fait, ouais. Voilà. Mais après, bon, c'est partie du film. C'est non, ça m'a pas choqué plus que ça. C'est vrai que ça aurait été plus sympa peut-être de le mettre un peu plus en valeur par rapport à ses chansons, etc. Bien sûr, oui. C'est un beau film, non, c'est un beau film aussi, oui. L'acteur très très bon aussi. Ah oui, Jérémy Régnier, hein, bien sûr, très, l'acteur, très bon. Qui était très très bon, hein, oui, qui a beaucoup travaillé, hein, pour faire ce biopic, hein, de Claude François. Bon, auparavant, il y avait eu Podium aussi. Bon, là, c'était un tout petit peu plus... C'est pas pareil. C'était pas pareil, moi, bon, bien sûr, on l'a regardé, mais... C'était pas la même chose, quoi. C'était sympa, mais bon. Du second degré, voilà. Voilà, du second degré, tout à fait, tu as raison. Ouais, tout à fait. Moi, j'en garde pas un souvenir. Non, j'ai, bon, bien sûr, préféré le film, hein, forcément. Oui. Alors, j'ai un message de mon amie Lynn qui me met un message sur mon mur d'une amie, Virginie Bontemps. Peut-être que tu connais, peut-être Frédéric, je sais pas. Qui a écrit signature vocale rappelant celle de Clo-Clo. Bon, c'était peut-être pas pour... c'était peut-être pas bon, ça. Voilà. Autrement, je voulais dire... donc, tu travailles avec Jean-Luc Vaury, hein, c'est ça, voilà. C'est ça. Et voilà, donc alors comme tu nous as dit tout à l'heure, peut-être une future collaboration pour un deuxième, plus tard je suppose, pour un deuxième album. Voilà. Hein, plus... Bon, après c'est pas ce qui est prévu spécialement, moi c'est vrai que ça me plairait beaucoup, je pense que Jean-Luc suivrait, mais après c'est vrai que peut-être faire un album un peu plus intimiste, on va dire, qui paraît pas forcément de Claude François, oui. Un album personnel aussi serait pas mal aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Alors je dirais donc un album, on parle plus tout de François là, ça serait un album plus personnel avec des chansons. Voilà. des chansons, voilà, comme tu disais, à toi, quoi, hein, des chansons. Voilà. D'accord. On a plein les tiroirs, donc. Mais bon, je pense que là, il faut laisser peut-être le temps, hein, un petit peu, bien sûr, hein, comme je pense, de laisser. Vivre l'album. Vivre l'album, voilà, tout à fait. Et puis, Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Hein, c'est. Bien sûr, hein, c'est que le début. C'est que le début, oui, oui, bien. C'est bien parce que bon, on rappelle que donc tu, hein, tu ne fais pas que ça, tu n'es pas, je veux dire, tu ne, enfin, je veux pas être indiscret, mais tu n'en vis pas, enfin, tu n'en vis pas complètement avec ce métier, enfin, je veux dire. Non, pas du tout, non, je travaille à côté. Bien sûr, oui. Bon. Et puis c'est vrai que c'est tellement difficile, hein, de se faire une place aussi. Oui, voilà. Dans le domaine artistique, c'est vrai que tous les artistes que je reçois me disent, voilà, c'est pas évident. Oui. C'est pas évident, hein, c'est vrai, quoi. Mais donc, c'est pas l'objectif principal, on va dire. Ouais. Déjà, on faisait bien plaisir, on avait des textes, on s'est dit, il faut les faire en musique, il faut faire quelque chose. Oui, bien sûr, ouais. On aimait, ouais, parce que ça change un peu des reprises. C'est vrai que souvent, on me dit, bon, tu chantes un petit peu, enfin, tu es un peu la voix de Clo-Clo, donc... Bon, allez, on va faire un album et puis. Oui, c'était voilà, une façon donc, de. Mon travail à côté et puis. De se faire plaisir, voilà. Mais c'est vrai que c'était une bonne idée comme ça de faire ces chansons-là. Oui, c'est du travail aussi. Hein. Ah, ben bah, oui, je me doute. C'est 6 mois de boulot quand même. Je me doute, oui. Mais bon, on est content du résultat. Ah, oui, non, mais c'est vrai que. L'accueil est très bon. Ah, ben bah, c'est très bien, oui. Donc on écoute une quatrième chanson. Oui. Donc il s'intitule Déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures, le soleil s'est levé. Je ne suis pas rentré. Et dans ton coin tu pleures. Écoute bien mes chansons, elles ne parlent que de toi. Oh. Déjà 8 heures, Frédéric, voilà. Un autre titre de l'album. Oui. Oui. Ah oui, pardon. Je croyais qu'on était plus. Je croyais qu'on était plus ensemble. Voilà, ok. Est-ce que tu es allé toi visiter le moulin de Damnois? Oui, j'ai été. Oui. Tu as été? Ouais, tu es allé. Ouais. Il y a longtemps. Il y a longtemps, d'accord. Il y a quelques années. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ben... l'occasion. Ouais, c'est vrai que. Moi, j'y suis allé aussi, je sais plus, de 3 ans, 2 ans. Ouais, là, ça, c'était en 2016, je crois. Et bon, cette année, ça devait être pas mal, hein, parce que, bon, bien sûr, pour les 40 ans de sa disparition, j'avais vu des reportages à la télévision. Oui. C'était bien, hein, c'est vrai que. Oui. Mm-hmm. Non, par rapport à mon travail, j'ai pas pu y aller. Ouais. Et après, c'est vrai que 40 ans, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde. Oui. Donc, oui, c'est sûr. Donc, peut-être venir un jour avant ou un jour après, pas le 11 mars. Mais oui. Prochainement, oui. Emmener. Moi, j'y étais allé au mois d'avril, je crois. Bon, c'était assez calme. Bon, après, c'était assez tranquille, quoi. Mais c'est. Ouais. C'est bien de se replonger un petit peu comme ça dans l'univers, hein, de l'artiste, tout ça. Oui, surtout 40 ans après. Surtout, ben, bien sûr. Ouais, après, c'était hier. Oui, c'est vrai, ça passe. Moi, j'ai un rêve aussi, c'est d'aller, je sais pas, il faudra que je vois, c'est d'aller aux États-Unis, à Memphis, pour voir Graceland, parce que je suis fan d'Elvis Presley. Ah, pas mon père, oui. Ah, d'accord. Et un autre aussi, j'aimerais bien voir, c'est le musée ABBA, en Suède, bien sûr. Oui. J'ai entendu parler, oui. Ouais, ça ne doit pas être mal. Bon, on va voir ça, hein, je sais pas. pour plus tard. On va essayer de jouer au loto, je sais pas. Oui. Est-ce que tu... joues au loto? Oui. Pardon? Non, si je joue au loto, non? En fait, c'est pas ça ta question? Oui, je dis, je vais jouer au loto, puis ben, pour voir, ça serait bien, quoi. Je veux dire, ça porterait un petit peu de l'eau au moulin. Tiens, voilà. je vais faire des jeux de mots en plus. Toi, je fais comme une chanson, en fait, hein. De l'eau au moulin, donc le moulin de Danemois. Donc, non, mais ça serait sympa. Ouais. Je veux dire, Frédéric, autrement, dans la famille, est-ce qu'il y a des musiciens chez toi, ou est-ce qu'il y avait des musiciens, tes parents, quelques. Non. Non. Et mon père chante. Mon père chante Elvis Presley, Dimitri. Ouais, d'accord, il aime bien. Voilà, non, sinon, il n'y a pas de. Au souvenir, en tout cas, non, il n'y a pas de musicien. Non. D'accord, oui. Voilà. Même moi, je ne joue pas particulièrement non plus. Hein. Oui, j'allais te poser la question. Tu as appris comme beaucoup. Ouais, comme ça, donc. Non, je sais, non. Tu n'as rien de prévu ce soir pour la fête de la musique, par exemple? Non. D'accord. Non. Et toi? Ben, écoute-moi. Là, tu m'as... Très bonne question, Frédéric. Alors bon, moi, je comme je dis toujours, parce que je suis obligé d'en parler un petit peu, bon, je fais un petit peu de... Enfin, je chante aussi. Oui, chante, oui. Moi, j'ai fait deux petits EP, hein, de chansons romantiques. Oui. Voilà, bon, j'ai un ami ce soir qui fait la fête de la musique, donc dans notre région, enfin dans notre région, et puis sur Remiremont, j'en ai parlé en intro tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on... On avait fait un petit duo tous les deux sur une chanson d'Elpech. Je sais pas, peut-être qu'on va la faire, je ne sais pas, on n'a pas. Il m'a rien dit de plus, alors peut-être une surprise, je ne sais pas. D'accord. Voilà, autrement, moi, pareil, instrument de musique, j'ai eu un coup de foudre dernièrement pour le ukulélé. Oui. Voilà. Et je le répète, ça fait 2-3 fois là, parce que bon, je suis passé dans un magasin que je ne citerai pas parce qu'on n'a pas le droit, et voilà, je suis tombé devant le ukulélé, et ça fait 2-3 fois que je passe devant, je me dis qu'est-ce que je fais, je l'achète, je l'achète pas, et puis, alors moi j'y connais rien du tout, j'ai jamais joué d'instrument. Ouais. Bon, moi, maintenant je suis libre de mes, comment je veux dire, je suis donc dégagé de mes fonctions que je faisais avant. Et puis donc, voilà, il faudrait que je trouve le temps, quoi. Mais j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, il faudrait que je trouve le temps. Bon, c'est vrai qu'il y a la radio qui prend du temps. J'ai d'autres activités, ben, la chansonnette, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis bon, bien sûr, la vie de famille, hein, comme tout le monde. Donc, voilà, c'est pas... Voilà, mais je sais pas, peut-être un jour... Voilà, on verra bien. Oui. On verra bien, mais c'est ça doit être bien de jouer d'un instrument, c'est vrai que ça doit être sympa. Ah oui, oui. Hein, c'est sûr que... Moi j'ai fait un peu de batterie, c'était vraiment très très très sympa, mais j'en ai pas fait longtemps, et puis après, bon bah voilà. Oui, c'est ça, oui, et puis ça passe, et après, ça passe. On a envie d'y retourner. Oui, et c'est... Moi bien retourner. Bien sûr, oui. Alors, on va écouter une autre chanson, Frédéric. Oui. Et là, j'ai choisi pour le cinquième titre Une plage d'Alexandrie. Une plage d'Alexandrie se souvient peut-être encore d'un enfant qui a couru sur son sable aux couleurs d'or. Cet enfant ne savait rien, mais il avait déjà la foi à l'orée d'un long chemin qui menait à Claude-François. Les sirènes ont joué depuis, pensant même à son retour. Sur une plage d'Alexandrie, qui ne sait rien de ses amours, elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Sur la plage, il y a longtemps, il rêvait sûrement déjà d'aventures, de grands moments, mais tellement loin de là-bas. C'est en traversant la mer qu'il avait sûrement compris que la gloire qu'on lui connaît, il la trouverait à Paris. Les sirènes ont joué depuis, pensant même à son retour. Sur une plage d'Alexandrie, qui ne sait rien de ses amours, elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Une plage d'Alexandrie a connu les 17 ans d'un jeune homme qui a brûlé trop vite les étapes du temps. Il y a bien des traces de pas que le vent n'a pas soufflé, qui pourraient parler d'un rêve que nous avons tant aimé. Les sirènes ont joué, pensant même à son retour. Sur une plage d'Alexandrie, qui ne sait rien de ses amours, elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Les sirènes ont joué depuis, pensant même sur une plage d'Alexandrie, qui ne sait rien de ses amours, elles peuvent espérer encore, mais il ne reviendra pas. Pour la beauté de l'histoire, c'est sûrement bien mieux comme ça. Une plage d'Alexandrie, Frédéric. Oui. Alors, une précision sur cette chanson. Vas-y, je t'en prie. J'en profite. Mais bien sûr, il faut. En fait, cette chanson, une plage d'Alexandrie, bon, après, les puristes le savent. Bon, là, ça choque peut-être personne. Mais j'ai eu une réflexion, c'est pour ça que je le dis. Oui. Aurait dû s'appeler plutôt une place d'Ismaïlia, c'est-à-dire que Claude François n'est pas né à Alexandrie, il est né à Ismaïlia. À Ismaïlia, voilà. Bien sûr, ouais, bon, d'accord. Par rapport aux plus grands fans, on va dire, qui connaissent, quand on dit Ismaïlia, ça ne parle pas à grand monde, Alexandrie, tout de suite on pense à Claude François. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Maître, Alexandrie, c'était plutôt Ismaïlia. Il y a une autre chanson aussi dans le même esprit, où on a parlé d'Alexandrie, mais c'était aussi Ismaïlia. Mais voilà, c'était juste une précision, quoi. Les puristes vont dire, bah tiens, il connaît pas Claude François. Oui, oui. Non, je sais qu'il est né à Ismaïlia, mais c'était... D'accord, ouais. Voilà, on a voulu... Mais c'est bien, t'as bien fait de préciser. Oui, alors j'ai... j'ai changé de technicien, enfin de technicienne, je retrouve une technicienne maintenant. Oui. Voilà. Donc nous sommes avec Lou, voilà, qui vient de temps en temps voilà, me faire la technique hein, oui. Sur mon émission. Bonjour Lou, tu vas bien ? Très bien, et toi Gilou ? Ça bonjour va, merci. Et bonjour aux auditeurs. Voilà, voilà, puis donc on a Frédéric avec nous cet après-midi. Oui, voilà. Bonjour Frédéric. Voilà. Bonjour. Voilà Lou qui est avec moi. J'ai de la chance, moi je change de technicien, de technicienne. C'est bien, hein ? Alors, j'ai Mado, mon ami Mado, qui me dit « Toujours un plaisir ». Non, alors elle me dit que Frédéric, voilà, il y a une belle intonation voilà, de Clo-Clo. Hein, voilà, c'est un message de Mado. Hein. Oui. Elle me dit « Super, comment se procurer son CD, j'aime beaucoup ». Donc, on peut peut-être le rappeler, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Hein, donc, sur la page Facebook, c'est ça. Voilà, sur Facebook, ouais. Frédéric. S-U-C-H. Voilà. Frédéric Such, un petit message privé. Et puis voilà, une petite dédicace sur le... Aussi. Sur le CDI. Voilà, Mado, si tu as l'écoute, tu sais. Alors, je sais pas. Je pense. Si éventuellement tu voulais refaire une émission, Frédéric, je pense que Mado... Alors... Si tu voulais refaire une autre émission, hein, pour une autre pour la promotion de cet album, donc Mado, donc elle est donc animatrice Radio Puisalène dans l'Oise. Oui. Voilà, c'est une animatrice très sympathique. Voilà, on se connaît bien tous les deux, on a les mêmes goûts musicaux. Voilà, et c'est quelquefois on parle ensemble et puis voilà, quand on reçoit des artistes, on dit tiens voilà, j'ai reçu tel artiste, etc. Et voilà, si toutefois ça te ferait plaisir, je pense que Mado ne serait pas contre à t'inviter pour un phoneur. D'accord. Ah, voilà. Oh ben mince, elle s'en va déjà, ma technicienne. Excuse-moi, Frédéric. C'est pas grave. Non, mais surtout qu'elle est jolie. J'ai Marc qui rigole, qui est avec moi, mais bon, il sait bien que c'est la bonne humeur, hein, ne t'inquiète pas, on essaie toujours d'amener de la bonne humeur, enfin, moi j'essaye, sur ce dans mes émissions, et voilà quoi, c'est et faux. Donc voilà ce que je voulais dire d'autre aussi. Alors, éventuellement, Frédéric, si tu fais de la scène. C'est une question. Oui, c'est une question. Non, c'est pas une question. Non, je sais. Tu m'as dit je fais pas de scène. Oui, voilà, mais peut-être si jamais ça fonctionne, etc. Oui. Voilà. Est-ce que tu t'entourerais? Mais là, bon, je vais poser une question. C'est aussi pour la bonne humeur et puis Est-ce que tu t'entourerais de quelques Claudettes? Je vais dire oui. Ah. Claude François sans Claudette, c'est. Ah, bah, d'accord. Déjà, j'ai pas le physique. Alors, si en plus j'ai pas de Claudette. Ah bah écoute, d'accord, ça... Donc, oui, bien sûr, ça avec des... Oui, bien sûr, oui, alors, bah, ça me fait plaisir ta réponse, parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être poser une question un petit peu, mais non... Non, il faut... Après, de là, mettre une perruque, etc... Je t'aurais pas... Faut voir, après, mais non, à la base, non, mais... Non, mais après, faire quelque chose... Oui, après, j'ai pas mal de chansons qui se dansent bien, donc... il y a des chorégraphies qui pourraient se faire avec des danseuses, ça pourrait être pas mal. C'est okay, ça pourrait être sympa, ouais, bien sûr, ouais. Donc, j'ai toujours Mado là qui me dit je peux lui faire une interview, je vais aller voir sur son site, hein, donc elle parle de toi Frédéric. Oui. Elle me met oui, ok pour un phoneur, voilà. Alors donc après la balle est dans ton camp. D'accord. Hein, et puis bah, de toute façon je te mettrai en relation sur Facebook avec Mado où vous voyez ça ensemble et puis voilà, elle est très sympa Mado. D'accord, si voilà, hein, pour te faire connaître un peu aussi là dans la région Picardie, oui. L'Oise, tout ça, voilà, ça peut être sympa, hein, et puis, ah oui, bien sûr oui. par téléphone. Oui. Parce que oui, bon, bien sûr, ça fait loin, hein, donc ça fait loin, bien sûr, oui. Et je veux dire, ta famille proche, enfin, je veux dire, tous tes proches, bon, bien sûr, les amis, tout ça, aiment bien, je pense, mais ta famille proche, qu'est-ce qu'ils en pensent, je veux dire, les tout proches, je sais pas. Tout proche, oui. Tout proche, qu'est-ce qu'ils pensent de... Bah, beaucoup de bien. Hein, beaucoup de bien, mais bien sûr, ouais, tout à fait, oui, ouais, très, très bien. Il y a des chansons qui sont plus, qui plaisent plus que d'autres. Il y en a qui se détachent, mais sinon, non, dans l'ensemble, j'ai un avis, ça se passe bien. D'accord, oui. Ouais. Alors, au début, sur cet album, tu m'avais dit que vous aviez à peu près une quinzaine de chansons. Hein. Oui. Et puis, vous avez dû faire un tri, je suppose. Hein, exactement. Un tri, voilà, d'accord. Ouais. Sur, Donc, on en a quelques-unes de côté pour éventuellement un deuxième album. Pour un deuxième album. Eh bien, c'est bien. Oui, on s'est dit que 10, c'était pas mal déjà. On s'est dit, bon, pour un premier album. Ouais, je pense, ouais, 10, c'est bien hein, pour un album et assez aidé. On est parti sur 10. Ouais. Voilà. Mmh. Alors, on va écouter là maintenant Devant le phare. Oui. Voilà, si tu veux bien, Frédéric, voilà, on écoute. Un jour, mon père m'a dit, fiston, si tu veux être heureux pour le reste de ta vie, il faudra te battre seul contre tous et sans trop t'attacher aux filles. Et même si on se comprend pas, il y a en toi des choses qui brillent. Ne tiens pas compte de mon avis, je n'ai pas su te soutenir. Je me suis caché dans des silences quand tu cherchais juste un sourire. Cette nuit j'ai fait un drôle de rêve, je t'ai vu chanter un peu partout. Beaucoup de gens t'applaudissaient et toi pour eux tu donnais tout. Je t'ai vu entouré de femmes, certaines même danser avec toi. Ça se passait, je me rappelle, dans un grand champ de magnolia. Un jour mon père m'a dit, fiston, tu seras artiste, j'ai foi en toi. Tu chanteras de ville en ville, tu donneras le meilleur de toi. Tu seras le chanteur malheureux quand une femme t'abandonnera. Tu auras les mots pour le dire et le talent pour l'exprimer. On te pensera parfois guéri, tu resteras le mal-aimé. Assis au bord d'une piscine, tu auras une idée de génie. Tu écriras une chanson qui marquera ta drôle de vie. Elle sera chantée partout dans le monde, et par Elvis, par Sinatra, elle parlera de solitude, cette solitude qui te suivra. Cette chanson je l'ai inventée, tu m'as tellement manqué papa. Même si les années ont passé, j'aurais aimé que tu me dises tout ça. Il faudra te battre seul contre tous et sans trop t'attacher aux filles. Et même si on ne se comprend pas, il y a en toi des choses qui brillent. Ne tiens pas compte de mon avis, je n'ai pas su te soutenir. Je me suis caché dans des silences quand tu cherchais juste un sourire. Il faudra te battre seul contre tous et sans trop t'attacher aux filles. Et même si on ne se comprend pas, il y a en toi des choses qui brillent. Ne tiens pas compte de mon avis, je n'ai pas su te soutenir. Je me suis caché dans des silences quand tu cherchais juste un sourire. Juste un sourire. on vient d'entendre donc un jour mon père, hein, c'est bien ça Frédéric? Oui c'est ça. Oui c'est vrai, j'avais annoncé devant le phare, oui, mais bon, c'est pas grave, on la passera après, c'est pas grave. Alors voilà, une belle chanson aussi, donc avec de belles paroles, et où on écoute hein, dans cette chanson, bien sûr, comment Claude a écrit donc cette chanson. On va parler de Comme d'habitude, bien sûr. Oui. Quand il était dans son moulin avec son auteur, le nom m'échappe, mais enfin, donc voilà, où ils ont écrit cette belle chanson Comme d'habitude, et qui a fait un succès phénoménal, hein, je veux dire, qui n'a pas été un succès tout de suite quand il l'a sorti, lui. Non. Ça a marché, mais ça n'a pas été un succès vraiment. Mais alors après, une fois que, bon, ben voilà. Sinatra, bon, Elvis, qui l'ont chanté. La chanson a été remarquée en premier lieu par Polanka, voilà. Et c'est vrai que là, c'était un succès mondial, quoi. Et c'était rare à l'époque, hein, parce que je veux dire, donc en France, on refaisait plutôt des adaptations anglaises, oui, ou américaines. Et c'est là que, bon, finalement, c'est vrai que, bon, il y a eu quelques chansons quand même, voilà, dont celle-ci, de Comme d'habitude. Original. Ah, oui. Voilà, donc de Claude François et Jacques Revaux, je crois, si je ne me trompe pas dans le... Oui. Ah, ça doit être ça, hein, Jacques Revaux, oui. Et puis voilà, qui ont écrit ça au bord de la piscine, donc dans son moulin, et puis voilà, quoi, donc c'était un grand succès qui est chanté, je ne sais plus combien toutes les... Dans le monde, quoi. Hein, tout à fait. Ah, c'est vrai que... Voilà, comme d'habitude. Là, là, là, là, comme d'habitude. Voilà. Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cet album? Donc, on a dit pas mal de choses, déjà. Oui. Hein? En fait, peut-être, oui, par rapport aux musiques, les arrangements. Oui. Les arrangements de mon ami Eric Ndiaye. Enfin, j'ai pas écorché son nom, je pense pas. Ah, bah, j'avais vu ça. Oui, d'accord. Donc les arrangements des... Bon, on les a fait un peu à deux, surtout lui. Oui. Mais j'ai donné mon accord ou pas, j'ai changé quelques petites choses. Mais c'est vrai que les musiques sont... Enfin, je les trouve magnifiques, moi. Après... Oui. Très, très bon travail, oui. C'est de belles mélodies. Et puis, oui, c'est vrai que... Avec, je dirais, pas mal de... Tu le dis si je me trompe, hein. Peut-être avec pas mal de synthé, de... Oui, ah, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, oui, c'est... Mais moi, je veux dire, quand Mireille m'a mis un petit mot sur Messenger, tu vois, et puis qu'elle m'avait mis le lien, donc, hein, de... où on entend, donc, la Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, Dire, tout de suite, ça m'a accroché, quoi, je veux dire, tout de suite. Et puis elle me dit, tu verras, voilà, Frédéric, là. Et c'est vrai que j'ai tout de suite bien apprécié. J'ai dit, bon, Frédéric, il faut qu'il vienne dans les années bonheur. C'est gentil. Voilà, mais en plus, bon, moi je suis un fan aussi, voilà, de Claude François, donc... Donc les fans sont toutes belles, hein. Oui. Hein, c'est vrai. Et toi, t'as un peu écouté les chansons, je crois, en fait, t'en as peut-être pas toutes, hein, je sais pas si tu les as toutes écoutées, laquelle tu... C'est moi qui pose la question, hein. Ah ben vas-y Frédéric, oui. Je prends les manettes, hein, du coup. Non, ouais, d'accord, que... ok, je vais essayer de répondre. Par curiosité, non, savoir celle que t'avais préférée, en fait. D'accord, alors, je vais te répondre, donc, j'ai bien sûr écouté les 10 chansons. Hein, pour t'expliquer, donc voilà, donc tu me les avais envoyés en format WAV. Donc oui. Le format WAV, c'est le format, disons, le plus. C'est, en fait, c'est l'enregistrement, quoi, hein, de la chanson. Oui. Donc moi, si tu veux, je le mets dans un logiciel pour le normaliser pour la radio, hein, pour que toutes les chansons passent sur une même ligne, que ça soit bien mélodieux, hein, toutes les chansons. Donc j'ai bien sûr écouté toutes les chansons. Alors pour répondre à ta question. Pour mes préférés, donc bien sûr Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, sur le boulevard Exenmans, j'aime bien aussi. On a écouté Un jour mon père, oui, ça j'aime bien aussi. Bon, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et quand on aime bien, alors bien sûr, il y a 40 ans aussi qu'on passera tout à l'heure en fin d'émission. J'avais pensé comme ça. Donc, après les titres, Pas de promesses et Dans l'ombre m'ont laissé un tout petit peu plus. Un peu moins. Et puis, ouais, Une plage d'Alexandrie aussi, c'est. Voilà, c'est pas mal. C'est vrai, bon, sur le boulevard d'Exelmans, c'est. Moi, j'ai toujours cette image, bon, sur tous les reportages qu'on a vus sur Claude François, sur les livres, etc. Bon, c'est vrai que c'est quand on le voyait sortir de son immeuble là, hein, oui. De ses bureaux, oui. Etc. Où il y avait toutes les fans là qui l'attendaient, tout ça, voilà quoi. Ça reste quoi, je veux dire. Et les titres, je trouve que voilà, les titres sont bien pour cet album qui est original. Je veux dire, c'est vrai que les titres sont bien. Enfin, vous avez choisi des beaux titres. C'est vrai que bon, j'ai retrouvé les Belinda, c'est sympa aussi, hein, c'est vrai que oui, c'est la suite de la ouais, c'est la première chanson, voilà. Non, chaque chanson, je pense, on a des petits bouts de la vie de Claude François, en fait, hein. Oui, là, c'est ça, hein, je veux dire, voilà, oui mais c'est voilà, c'est vrai que il y a un jour mon père, bon, bien sûr, hein, on l'entend, hein. Un jour, mon père m'a dit fiston, seront. Voilà. Ouais. Ah, ça. Voilà. Donc, on va. Pardon, excuse-moi, Frédéric, non, tu disais. Non, d'accord. C'est une chanson pour son père. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de chansons où je me suis permis. Enfin, on s'est permis d'ailleurs. Oui. À parler à la première personne, un peu comme si c'était lui. Vraiment, dans 40 ans déjà, je dis beaucoup je, c'est je tout le temps. Ouais, c'est, ouais, d'accord. Pas sous le mauvais exemple aussi d'ailleurs, je dis je. Donc un peu comme s'il était, je me permets, mais comme s'il était toujours là et que c'est lui qui chantait les chansons, en fait. D'accord, ouais. Mmh. Voilà. J'aurais pu dire il, c'est vrai que j'ai dit je pour que ça soit un peu plus vivant, on va dire. Bien sûr, ouais. Voilà. Ok. D'accord. Alors on va écouter maintenant donc Devant le phare. N'a rien changé, qu'on entend encore les sirènes quand un bateau vient approcher, et que le sable reste brûlant lorsque la nuit vient toujours tard. Les romantiques ont le cœur serré quand ils se promènent devant le phare. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée, celui qu'elle avait tant aimé, et par amour, par désespoir. On la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. C'est bien ici qu'il est passé quand il n'avait rien dans les mains. C'est bien ici qu'il a rêvé, restant confiant face à demain. Qu'il se faisait des illusions quand il a vu passer l'amour. Qu'il a serré si fort les poings en se disant je serai fort un jour. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée, celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, on la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée, celui qu'elle avait tant aimé. Et par amour, par désespoir, c'est du côté d'Alexandrie. On la voit marcher tous les soirs quand elle recherche un peu l'oubli. La pauvre petite fille riche a déjà dû regretter que la vie est emportée, celui qu'elle avait tant Devant le phare, voilà, extrait de l'album Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra de Frédéric Zouche qui est avec nous cet après-midi sur les ondes de Radio Guémozo. Oui. Voilà, il est 17h12, Frédéric, ça oui. va ? Ah bah très bien. Ah ça va très bien. Très bien. Alors j'ai un petit message, Frédéric, de Mireille. Qui vont parler du boulevard Exelmans tout à l'heure. Alors, elle me dit oui, boulevard Exelmans, super, j'y suis souvent passé quand j'allais à Paris. Elle me met, tu as les mêmes goûts de préférence, mais elles sont toutes belles. Voilà ce que me met. Et bisous à vous deux, superbe émission. Bon, c'est gentil, hein, on fait des bisous à oui. Mireille, voilà, qui nous écoute. Donc voilà, dans cette émission, est-ce que tu as quelqu'un, toi Frédéric, qui s'occupe un petit peu de, je veux dire, de ta promotion, de non. Tu n'as pas de voilà une personne, hein, qui ferait enfin, je veux dire pas de producteur, mais non, j'ai personne. Tu es non, la place est à prendre d'ailleurs. Si ça intéresse quelqu'un. Pourquoi pas? Ah ben écoute, on lance un appel. Hein, un appel. Ouais. On lance un appel, donc voilà. Voilà. Donc, Mado aussi, qui me met encore un petit message. Elle est assidue, Mado. Hein. Il chante très bien, belle, ses chansons. Tu vois, Frédéric, hein? Ah. C'est encourageant, hein, tu vois, on a du monde quand même là qui réagit, qui réagit. Donc voilà, alors on vient d'écouter Un jour mon père, c'est ça, hein, oui, oui, on avait, voilà. Non, c'est Devant le phare. Oui, Devant le phare, pardon. Devant le phare, non, c'est pas grave. voilà, je suis déjà dans le foot, moi. Non, je plaisante. Et oui, alors oui, à propos de foot, est-ce que tu as un foot, toi, Frédéric? Non. Pas du tout. Non. Tu regardes aucun match de la Coupe du Monde? Je regarde pour la plaisir à mon fils, oui, enfin mes fils. Hein, parce que j'ai un fils qui s'appelle Jacques qui aime beaucoup le foot, donc je regarde pour lui faire plaisir, surtout quand c'est la France, parce qu'après, non, c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas plus que ça, non. Ouais, bien sûr, oui, bah, c'est vrai, après, juste les matchs de l'équipe de France, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, puis on peut pas. On peut pas tout suivre, ok. Voilà. Je vais faire un petit peu d'ailleurs, Zach et Diego. Oui, il y a tellement, il y a 64 matchs, hein, au départ, donc. Pff. Oui. Ça, c'est vrai. On regarderait peut-être quelques-uns. Ouais. Donc, alors là, on a une indication de marque pour l'instant. Depuis 17h, les Bleus ont commencé, donc, il y a 0-0 pour l'instant. D'accord. Voilà, une petite information. D'accord. Bon. Ouais, petite information. Mais c'est vrai que bon. On verra bien, hein. On verra bien ce que ça donne. Oui. Tu regardes la télé en même temps que tu me fais l'interview, voilà. Ah non, je regarde pas la télé. J'ai Marc qui est en face de moi, tu vois, derrière la vitre, voilà, la technique, et puis je parlais foot, il m'a fait signe, mais il m'a dit, voilà, 0-0. Non, je regarde pas la télé. Non, mais je plaisante. Non, je sais bien, mais il faut, de toute façon, c'est bien. Alors, on va, comme je disais tout à l'heure, on va garder cette chanson 40 ans là, que j'aime bien celle-là aussi, hein, pour le final. D'accord. Avant de se dire au revoir. Oui. Et puis là, on va écouter donc le huitième morceau, enfin un des huitièmes morceaux de l'album, qui s'intitule Pas de promesses. Allez. Chanteur m'oblige chaque jour à fuir, et pourtant quand je suis seul, j'aurai le blues au cœur quand le show sera fini. Je ne penserai qu'à toi quand le rideau tombera. À quoi me sert de courir pour vivre si loin de toi? Et si un jour cette course qui me mène de ville en ville devait s'arrêter comme ça, le succès est si fragile. Comme tu l'es depuis toujours, j'espère que tu seras là. J'ai besoin de ton amour, je ne suis plus rien sans toi. Je peux être au bout du monde pour entendre les bravos. Je ressens cette solitude quand je vois tomber le rideau. J'aimerais que tu sois là pour me jeter dans tes bras. Je ferai n'importe quoi pour un seul regard de toi. Je peux être au bout du monde pour entendre les bravos. Je ressens cette solitude quand je vois tomber le rideau. J'aimerais que tu sois là pour me jeter dans tes bras. Je ferai n'importe quoi pour un seul regard de toi. Pas de promesses. Voilà. Une chanson aussi qui parle de son papa, de, à Claude, hein, là, si je ne me trompe pas, Frédéric. Excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, je dis, dans cette chanson-là, bon, il parle de son papa, enfin de son père. Non. Non, ah non, mince. C'est pour ça que j'avais pas compris. Non. Excuse-moi, non, d'accord. Non. J'ai confondu avec une autre chanson. Ouais, non, non. D'accord. Non. Il parle d'une. Bon, il n'a pas pensé à quelqu'un en particulier, mais il pense à sa compagne du moment. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Peut-être, oui, ça peut être Isabelle aussi. Ça. Isabelle, oui, sa femme. Enfin, sa femme, oui. Oui, bien sûr, Isabelle, donc la mère de ses enfants. Ouais. Donc, dans tes contacts pour cet album-là, je veux dire, avec la famille, je veux dire, tu n'as jamais rencontré personne, enfin, je veux dire. Non. Tout a été fait par. Tu as demandé l'autorisation, voilà, on te l'a donné. Et puis ça s'est arrêté là. Voilà, ça s'est arrêté là, oui. C'est dommage, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est dommage, ça serait bien d'avoir un avis quand même, je pense que. Parce que franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Je vais la lancer. Ah bah oui, il faut. Je vais pas lâcher. Ouais, il faut. Je vais lâcher l'affaire, je vais la lancer jusqu'à ce que j'ai une. Moi, je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que bon. Je pense que j'aurai des nouvelles à un moment quelconque. Hein. Bah oui. Bien sûr, faut pas désespérer. Ah. Hein. Voilà, oui. Bah ouais. Alors là, je voudrais juste annoncer donc, Lou qui était avec moi à la technique tout à l'heure. Donc vous allez la retrouver à 18h dans son émission L'heure des loups. Et ce soir, on va parler de véganisme, si je prononce bien, avec le youtubeur L'Effet Chimpanzé. Voilà, c'est un rendez-vous à 18h, l'émission des loups. Voilà, je voulais le signaler. Alors, 17h21, le temps passe assez vite quand même, Frédéric. Hein, on a fait un petit peu le tour... de cet album, oui. Hein, dont tu nous as parlé, et puis on va écouter donc cette chanson 40 ans déjà, oui. Hein, donc cette chanson, bien sûr, bon, c'était forcément moi pour l'anniversaire, hein, bien sûr, de Claude François de sa disparition, mais oui. Et voilà, c'est donc on va écouter. Et puis on en reparle après, hein, puis on se dira au revoir tranquillement après. D'accord. Voilà, merci. Loin, 40 ans ont passé, rien n'a vraiment changé, le show doit continuer. Je reviens, je viens chanter pour vous, vous mes fans, mes amis, soyez au rendez-vous. Les Claudettes sont assez reposées, elles peuvent compter sur moi, je vais les réveiller. La lumière, je ne peux m'en passer, je suis le même, même si on parle encore de moi, de mes amours cachés, de ma vie, de ma voix. Je reviens, oui vous me manquiez trop, avec des idées neuves, avec des pas nouveaux, bondissant, battant déterminé, ces 40 ans d'absence, il faut les oublier. Mon public, je ne peux m'en passer, je suis le même, je reviens, vous êtes tout pour moi, j'ai entendu vos larmes, un jour à Danemois, j'ai parlé avec Otis Redding, on a la même passion, on a le même feeling. La musique, je ne peux m'en passer, je suis le même. Je reviens avec cette chanson, chantons, dansons ensemble, en cœur à l'unisson. Cette chanson, elle ne parle que d'amour, l'amour que j'ai en moi, pour vous depuis toujours. Mes amis, vous m'avez tant manqué, je suis le même. Oh, je reviens, je viens chanter pour vous, vous mes fans, mes amis, soyez au rendez-vous. Les Claudettes sont assez reposées, elles peuvent compter sur moi, je vais les réveiller. Je reviens, oui vous me manquez trop, avec des idées neuves, avec des pas nouveaux, bondissant, battant déterminé, ces 40 ans d'absence, il faut les oublier. Oh, je reviens. Voilà, 40 ans déjà. C'est. Oui, Frédéric, voilà, je disais 40 ans déjà, hein, c'est bien. Oui. Voilà, c'est très bien écrit, c'est encore cette chanson-là, je veux dire, voilà. Et puis, comme on disait, bon, bah, les chansons de Claude sont intemporelles. Hein. Ah oui, oui. Donc, j'ai bien aimé ce texte. Là, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu as multiplié les jeux, mais je pense que ça passe bien. Voilà, il dit, voilà, je reviens, je vais réveiller les Claudettes, tout ça, c'est sympa, je trouve. C'est, voilà, oui. Ça oui. passe bien, et voilà, je suis toujours là, voilà, c'est... Oui, après, ça aurait peut-être mal perçu, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure. Que ouais. Parce que bon, on peut dire, tiens, il se prend pour... ça y est, c'est... Ah non, non, mais moi, je trouve ça... C'est pour ça que je précise aussi, voilà. Ah, oui, mais je trouve ça bien, moi, c'est... En soi, il est unique, et... C'est vrai, bien sûr, tout à fait, ouais. Alors, j'ai un autre message... que je te livre, j'ai mon ami Bruno, que j'ai cité tout à l'heure dans mon intro, donc qui a eu l'occasion de faire 2-3 émissions avec moi, qui fait des covers sur YouTube aussi, Bruno, sur des chansons des années 60, 70, 80, et qui va faire la fête de la musique ce soir. Alors il me dit, transmets mes amitiés à ton invité. J'ai écouté ses chansons sur YouTube, très belle interprétation vocale de Claude François. Merci. Voilà, ça, c'est mon ami, enfin un ami Bruno, donc... qui nous écoute aussi. Très gentil. Voilà. C'est sympa. Ah oui. Hein, je reviendrai. Hein, hein, c'est voilà. Quand tu veux, c'est mon avis. Bah, y a pas de problème. Écoute, bah, écoute pour le prochain album, bon, même si c'est pas Claude François, enfin, je veux dire du Claude François, même si c'est pour des chansons après à toi plus personnelles, bien sûr. Oui. Écoute, tu seras, plaisir. tu es le bienvenu. Hein, y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème, de toute façon on va rester en contact, Frédéric, hein, bien sûr. Et puis ben voilà, et puis je t'enverrai vers Mado. Oui. Hein, vous prendrez contact avec Mado, tu vois, pour faire une émission. Avec plaisir. Tu verras qu'elle est très très sympa, Mado. Voilà, je trouve que. Pour parler tout vite de Facebook, je trouve que c'est bien parce qu'on a toujours une belle famille, quoi. Oui. Hein, on est deux, trois animateurs, on se connaît, comme je te disais, on se dit, tiens, voilà, j'ai reçu tel artiste, et puis les artistes sont contents aussi de pouvoir faire plusieurs radios, hein, oui, de pouvoir faire, pour la promotion de leur album. Et quand on utilise ce Facebook, comme il faut, c'est un bel outil. Voilà. Un bel outil de rencontre, de partage. D'amitié, mais bon, à utiliser forcément un bon escient. À bon escient, voilà. À bon escient. Voilà. Écoute, Frédéric, je vais te. Voilà, il est 17h28. Oui. On va se quitter. Moi, je te remercie encore d'avoir passé cette 7h30 sur les ondes de Radio Gemozo dans mon émission Les Années Bonheur. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir et puis on se dit à bientôt. Moi, je te souhaite bonne chance, un beau succès pour cet album. Oui, merci. Voilà. Et puis comme je disais, on reste en contact, hein, bien sûr. Ok. Et puis une prochaine fois. Okay, donc merci Frédéric, bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, je retrouve une grande dame de la chanson française, Isabelle Houbray. Voilà. Donc merci Marc, merci Lou pour la technique. Portez-vous bien, à bientôt et puis bonne fête de la musique à tous. Bye bye. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois sur tous ces shabadabada, se déhancher sur un air disco, pas d'effet chaud sur un plat. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta.